c'est Jérémy. Bon, alors on avance sur les sujets là. Oui, oui, il y a la chaîne d'info continue voulue par France Télé. Ah oui, c'est bien ça. Ah, oui, c'est bien de l'info continue sans pub. Moi, ça va me faire tout bizarre. Bon, tu cherches des sujets aussi, toi, Alex? Oui, hein, bah, ouais, enfin, chercher. Ah ouais, si chercher, l'air de chercher. Enfin, dans le dictionnaire, qu'est-ce que tu... Pardon. Non, mais tu vas trouver aucun sujet dans Larousse. Non, j'apprends des nouveaux mots. Quoi? Il y a aujourd'hui Isabelle Sorrent et je ne comprends pas toujours ce qu'elle dit. Et j'en ai marre de passer pour un con. Voilà. Première nouvelle. C'est drôle, c'est amusant. Reste dans ton dictionnaire parce qu'en plus on a un écrivain comme invité. Ah bon? Nicolas Fargue. Pourquoi vous dites Nicolas Fargue? Il écrit bien, très bien. Oui, très bien. C'est parce qu'il est beau. Non. Ah bon? Il est pas beau. Ah si, si, très beau. Et voilà, c'est encore un bel âtre germano-pratin qui vient sur mon terrain se pavaner et qui va me faire passer pour un con. Oui, bah ça, t'inquiète pas, t'as pas besoin de lui pour ça. Mais merci, continue. Oui. Alors ça va. Qu'est-ce que t'as trouvé comme thème dans ton dictionnaire? Je fiche des thèmes. Démerdez-vous. Je prends ma retraite. Ah bah tiens, la retraite, un sujet. Oui, voilà. Bah tu peux te rendre utile quand tu. J'ai trouvé un thème. Oui. Oh putain, je suis super content. Maintenant, tu vas pouvoir lire du Nicolas Fargue maintenant. Mais pourquoi j'ai trouvé un thème? Pourquoi vous me punissez? Regarde sa photo. Ah c'est vrai qu'il est beau. Tu vois, t'es pas si con. Quelle sale race ces écrivains. Bonjour la France Inter, et toi aussi tu es beau cher auditeur. Vous écoutez l'émission qui dessape l'actualité avec les dents et voici les trois informations qui vont se retrouver à poil à 18h. Tout au long de sa vie, le Français s'inquiète pour sa retraite. Et si vous ajoutez le mot réforme, c'est que vous cherchez vraiment à énerver le travailleur français. J'en ai marre! Je prends ma retraite! Ma maison dans l'Aveyron! Ma pipe! Mon chien! Ma femme! Ma retraite! Sacré bordel de nom de Dieu de merde! Ma retraite! L'info en continu est aux mains des privés. Le public prépare la riposte, aidé par le gouvernement, si possible avant 2017. Ça doit aller vite, mais c'est le service public aussi. Hein. Ici, Vincennes. C'était un reportage de Gilbert Lariaga et les commentaires de Zitrone. À vous, Roger Lanzac. Il existe tout au plus une centaine d'écrivains français qui vit de ses droits d'auteur sans devoir exercer un autre métier à côté. Et vous, vous faites quoi dans la vie? En fait, je suis écrivain. Pas possible. Ça, c'est rude comme turf. Moi, je dis chapeau aux mecs qui peuvent en vivre. Et je suis accompagné de celui qui passe sa journée à écrire, mais il n'écrit que des conneries. Il est payé pour ça et il le revendique. C'est Alex Vizorek. Et le pire, c'est qu'il en vit, pour l'instant. Aujourd'hui, autour de la table, belle équipe. À 17h20, il est là, notre sportif de la plume. Il aime le sport, mais devant sa machine à écrire, comme Malraux aime le foot, comme Hemingway aime le baseball, comme Blondin aime le vélo et comme Tsonga aime le Kinder Bueno. Mais ça n'a rien à voir. C'est Samir Bouani. Bonjour à tous, moi je vais vous parler du marathon de New York, pas de rugby parce qu'on en a marre du rugby, voilà. Ok, c'est dit. À 17h30, celui dont la vie n'est qu'un grand jingle. Quoi qu'il fasse, où qu'il aille, c'est jingle. Récemment, il est entré dans une boulangerie en chantant « C'est l'heure de l'achat de la baguette, c'est Thomas Bellamy !» Tous les jours, ça m'arrive. Mais ça, je sais. Alors, exceptionnellement, j'ai proposé aujourd'hui une chronique qui sera un mélange de musique et de cinéma. Attention, donc pas d'actualisique aujourd'hui, mais à la place, une page musinéma. Intéressant. Et à 17h40, celle qui vraisemblablement doit dire des choses extrêmement intelligentes, car je ne les comprends pas toutes. Pourtant, j'ai lu pas mal de livres, même des sans images, mais c'est comme ça. Bonjour Isabelle Sorrent. Bonjour Alex, je ne sais pas comment je dois prendre ce que vous dites. Vous êtes au-dessus de tout, dites-moi, que je m'accroche. Eh bien non, aujourd'hui ça va être la chronique de notre invité, du livre de notre invité au pays du petit, de Nicolas Fargue. Voilà, à 17h. Heureusement, moi je l'ai lu, donc je comprendrai, ouais. Pas moi. 17h55, non je vais pas comprendre, attends, j'ai pas envie de lire votre livre. Nous recevrons plus qu'un chansonnier, c'est un chanteur. Car le bougre sort un disque de ses meilleures chansons la semaine prochaine. Ça s'appelle « Ça promet », d'ailleurs c'est deux titres. Promet sera là à 17h50. Allez, aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Pompidou. Vous publiez votre premier roman inspiré de 2 ans passés en coopération à Sumatra. Ça s'appelle Le Tour du propriétaire, sorti en 2000. C'est l'année des accords de Cotonou entre les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Vous publiez un livre inspiré de votre expatriation à Madagascar, Rat Terminus en 2004, l'année où ferme la dernière mine de charbon en France. Et vous recevez le prix France Culture Télérama pour Tu verras en 2011, quand 19 millions de personnes voient le film Intouchable. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire. Nicolas Fargue. Bienvenue Nicolas Fargue. Bienvenue quand même. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Nicolas Fargue, vous publiez « Au pays du petit », c'est paru chez POL, un ouvrage où votre personnage critique vertement la France. Mm-hmm. Et en plus, il le fait à l'étranger, notamment. Oui. Bah oui, ça sert à ça de partir à l'étranger, souvent. Oui, c'est ça. Ça commence à Moscou. Et donc, votre personnage est un sociologue qui fait de la sociologie par les petits détails. Donc, on peut dire par les mégots. Par le petit bout de la lorgnette, on peut voilà, dire. Voilà, les mégots qu'on jette par terre, un drapeau français qui n'est pas cousu sur les sacs des routards parce qu'on a un petit peu la honte de le faire, ou c'est l'apanage du Front National que d'arborer le drapeau tricolore, voilà. Alors, le français expatrié, est-ce qu'il prend tout son relief lorsqu'il est plongé dans une autre marmite? Je dis ça parce que vous avez beaucoup voyagé, vous avez notamment été à l'Institut français à Madagascar, c'est ça? Vous étiez en poste là-bas. Et je viens de passer 3 ans au Cameroun, là, je viens de rentrer il y a un mois. Et donc, quand vous êtes plongé dans tous ces tropismes différents, le français, est-ce qu'il prend un autre relief quand il est plongé dans une autre marmite? Et vous voyez tous ces clichés ou tous ces gros traits sortir plus? Et est-ce que votre personnage, finalement, il s'est nourri de tout ça? Il y a deux types d'individus lorsqu'il est sorti de sa marmite pour une autre marmite. Il y a ceux qui regrettent leur marmite d'origine, ou alors qui passent leur temps à comparer les marmites en disant cette marmite elle ressemble tellement pas à la mienne, elle est tellement moins bien que la mienne, moins profonde, moins bien montée, moins bien tout ce qu'on veut. Et il y a ceux qui se disent tiens, c'est marrant, je suis dans une autre marmite, qu'est-ce qu'il y a qui va pas dans la mienne? Moi, je fais partie plutôt de cette catégorie-là. Et effectivement, ça devient une espèce de gymnastique quasi systématique à chaque fois que je sors de France, y compris pour aller juste à côté, en Belgique, en Suisse, enfin dans des pays qui nous sont frontaliers. Tout change. Il y a un livre de Jean Echenoz, qui est un de mes auteurs préférés. Alors je ne sais plus exactement lequel, je crois que c'est dans un an, où le personnage principal ne fait que passer la frontière espagnole et il dit le soleil change de couleur. Et, non mais juste dans l'instant, c'est-à-dire à partir du moment où il franchit. Et je trouve que c'est vrai, c'est-à-dire que ça se joue peut-être sur une couleur de bitume, ça se joue sur la typographie des panneaux indicateurs, mais tout change, ça, des petits détails comme vous venez de l'évoquer, jusqu'évidemment dans ce qui compose l'ADN d'un peuple, sa culture. Je trouve que c'est absolument passionnant que d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et souvent, j'ai une question, je me demandais, est-ce que plus on est loin, plus on a envie de dire du mal, parce que finalement, plus on sent en sécurité excellente remarque. Oui, c'est peut-être pas faux. C'est vrai que surtout lorsqu'on n'est pas en pays francophone. Alors là, c'est encore mieux. Là, vous pouvez vraiment vous lâcher sans problème. Mais non, moi, je pense que c'est. D'ailleurs, enfin, c'est pas dire du mal pour dire du mal. Et je l'aime mon pays. Je l'aime comme quelqu'un aime un membre de sa famille qu'il est en train de voir stagner ou voir dire des bêtises ou voir même régresser tout simplement. Donc, on dirait pourquoi vous vous en allez alors? C'est ici qu'il faut combattre. Mais c'est une façon. Regardez. Mon livre, il sort en France. Ouais, vous m'invitez, je suis tellement heureux d'être invité à France Inter pour parler de ce livre. Ben j'en parle en France et le but de ce livre est de faire réagir aussi des lecteurs français. Alors si vous permettez, je vais lire un petit extrait parce que votre personnage est un fin observateur quand même si ça t'aille au détail, il tire des généralités qui sont intéressantes. Alors je vous cite un extrait. Humilié par l'occupation, aigri par la collaboration, castré par la libération, coupable d'avoir davantage été épargné que les Anglais par les bombes et les ruines, moins brave que les autres, toute cette honte contrastant avec une gloire impérialiste encore fraîche, le français développe, dès l'immédiate après-guerre, une forme orgueilleuse de haine de soi. Donc, ça claque quand même. Alors, c'est une façon très, très rapide de résumer un petit peu. Oui, évidemment. Non, je ne parle pas de vous, je parle de moi. Mm-hmm. Dans cette phrase-là... tout est concentré. Hein, c'est-à-dire, oui, j'ai vraiment tout concentré, peut-être trop. Je ne suis ni historien, ni économiste, ni même sociologue, contrairement à mon personnage. Mais c'est une façon... C'est le privilège du romancier, toute la mauvaise foi du romancier, que de se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre devant une assemblée qui s'y connaît en la matière. Vous ne tiendriez pas ces discours comme ça avec des moi amis si. Ah oui, d'accord. Oui, ah d'accord. Si, moi je revendique ça, oui, absolument, ça j'y crois, à ce que je viens d'écrire là. Je ne revendique pas tout ce que fait ni dit mon personnage, d'accord. Mais ça oui, en l'occurrence. Mais je m'interroge, il est de bon ton de dire qu'on est dans une période de stagnation, de régression, le French bashing, etc. Et ça. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis, on a eu des années, ces 30, fameux 30 glorieuses qui nous ont donné une espèce de surconfiance en nous-mêmes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un pays où on est prêt à élire Marine Le Pen, quand même. On n'est pas loin de ça, au deuxième tour. On se retrouve dans un pays où les migrants, on est les derniers à vouloir en recevoir. Ce qui est quand même assez étonnant, un pays qui est une terre d'asile, supposément, total repli sur soi. Donc il y a de quoi quand même au moins s'interroger. Qu'est-ce qui se passe par rapport à nos valeurs qu'on est supposé donner comme exemple au monde entier? parce que les Français croient qu'ils ont des leçons à donner au monde entier, et ce qui se passe au sein du pays. Ils sont persuadés. Plus que persuadés, ils le savent. Oui, d'accord. Voilà. Et la réalité des choses, un pays extrêmement frileux. Et votre personnage est d'ailleurs quand même assez antipathique, vous l'avez travaillé comme ça, peut-être pour faire passer un peu mieux ces choses-là. Moi, je me suis dit, le français qui lit, parce que nous, on est belges, Alex et moi, donc ouais. Bon, on consomme peut-être un peu plus que les Français. D'ailleurs, il y a des passages sur les Belges, vous avez vu, je sais pas si vous souscrivez ou pas. Et par exemple, le fait que votre personnage soit antipathique, on peut se dire, quand on est français, bon, de toute façon, c'est un peu un sale con. Voilà. Un peu français, quoi. Un peu français, finalement. C'est vrai. Allez, on est avec Nicolas Farr jusqu'à 18h. Standing on the corner. Suitcase in my hand. Jackson's closer, Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse. And those ladies, they rolled their eyes. Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire. Soldiers, all your protesters, you can hear Jack say, get ready. See Jack, come on, baby. See Jack, see Jack. Some people, they like to go out dancing, and other people, they have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Jane, Lou Reed and the Velvet Underground pour notre invité Nicolas Farr. J'espère que vous aimez Lou Reed et Velvet Underground. Bon, discutez, j'ai pas écouté Lou Reed, mais a priori j'aime bien Lou Reed. Voilà, de toute façon, c'est trop tard, on ne revient pas sur le passé. On regarde la France de devant. C'est pareil ça avec la musique. L'ambiance, même si c'est de la musique d'accompagnement. Et autour de la table, Isabelle Sorrent, Samir Bouadi, et il prépare son jingle, c'est Thomas VDB. Aïe, aïe, aïe. Allez, pendant ce temps, la force centrifuge de l'actualité nous conduit inexorablement vers un nouveau journal, bien sûr. Moi, aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Nicolas Sarkozy a donné depuis Moscou une interview à Rutel-Kriev pour BFM TV. 33 minutes que nous avons écoutées entièrement parce que c'est toujours chouette d'entendre un type qui donne des conférences à 100 000 euros. On a l'impression de s'enrichir en l'écoutant gratuitement. Thomas Fabius fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux États-Unis. Il doit 3,5 millions de dollars à des casinos de Las Vegas. Donc chez les Fabius, le père, c'est tapis rouge, le fils, c'est tapis vert. Et les brefs, parce que le vendredi, il faut plier vite. Nicolas Sarkozy s'est donc confié à BFM TV depuis Moscou. Voilà, et si j'étais Bolloré, le patron d'ITD, je serais vexé qu'il donne une exclue à mon concurrent. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette interview, oui, Alex ? Rutel-Kriev est parvenu à lui faire dire la phrase qu'il déteste le plus. Il n'y a qu'un seul président de la République, c'est François Hollande. Voilà, ça, ça lui a fait mal, mais après, il s'est remis. Et il oublie parfois qu'il n'y a qu'un seul président. Est-ce que vous vous entendrez, comme par le passé, avec Angela Merkel ? Mais je m'entends toujours avec Angela Merkel. Et si demain, il y avait un autre chancelier allemand ? Et si j'avais d'autres responsabilités? Ça a été long, mais il s'est dit, il faut quand même que je redevienne président, parce que sinon c'est foutu. Et de temps en temps, il nous refait du Sarkozy, on aime ça. Je vous fais une grande révélation, je ne suis pas le porte-parole de M. Hollande, qui a déjà bien assez de mal à porter sa parole. S'agissant donc, si vous demandez mon avis, je vais vous le donner bien volontiers. J'ai dit à M. Poutine... Elle te l'a pas demandé, ton avis, donc on ne l'écoute pas. Mais bon, il était là pour parler politique internationale, et attention, révélation. Vous savez pourquoi la paix entre les Israéliens et les Palestiniens n'a pas eu lieu encore ? C'est pas vrai, ça fait 70 ans que les mecs se mettent sur la gueule, et il attendait maintenant pour nous le dire, je vais pas durer le suspense, la solution au conflit israélo-palestinien est ici. Vous savez pourquoi la paix entre les Israéliens et les Palestiniens n'a pas eu lieu encore ? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Ah, bon, j'espère qu'il ira rapidement à Jérusalem leur expliquer ça. Et on termine par le slogan de son retour. J'y peux rien, j'ai la France en moi. Et voilà, il n'y peut rien. Il a la France en lui, ça fout les poils. Alors remettez-vous et passons à Thomas Fabius. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux États-Unis pour des chèques en bois d'un montant total dépassant les 3,5 millions de dollars. Voilà, il y a une cohérence. Le père est ministre des Affaires étrangères, le fils n'est pas étranger aux affaires. En tout cas, vous pouvez dire ce que vous voulez. En tant que père, Laurent Fabius doit se faire du mauvais sang. Oui, et ça tombe plutôt bien parce qu'en matière de mauvais sang, Fabius a déjà une belle expérience. En tout cas, le Front National demande la démission du ministre des Affaires étrangères. Oui, ça tombe mal pour le Front National parce qu'on apprend aujourd'hui que Stéphane Ravier, maire du 7e secteur de Marseille Front National, vient d'embaucher son fils comme agent contractuel dans sa mairie. Ah oui, c'est pas de bol. C'est pas de bol. Robert Ménard a trouvé une nouvelle marotte. Oui, il annonce vouloir interdire l'ouverture de nouveaux restaurants kebab dans le centre historique de Béziers. Paf. Et son argument, je cite, on est dans un pays de tradition judéo-chrétienne, alors c'est quoi de la nourriture judéo-chrétienne ? Eh bien, on pourra donc ouvrir des restaurants de falafel si on glisse des hosties dans les falafels. Une page science des perturbateurs endocriniens décelés dans les vernis à ongles. Dites donc, en fait, les femmes qui mettent du vernis à ongles pourraient avoir plus de peine à se reproduire. Voilà, notons, je pense qu'on peut élargir aux hommes. Les hommes qui mettent du vernis à ongles ont aussi plus de peine à se reproduire. Sport, le nouvel entraîneur de l'équipe nationale grecque est allemand. Oui. Il s'agit de Mikael Skibbe. Exact, l'équipe est au plus mal ces derniers temps, notamment 2 défaites contre les îles Féroé. Donc une bonne façon pour les Grecs de voir si ça marche mieux quand c'est un Allemand qui gère. On termine par une brève, Alex. Une brève que je ne commenterai pas parce qu'elle est magnifique. Isère, ivre, après s'être fait flasher, il fait demi-tour pour demander aux gendarmes à quelle vitesse il roulait. Voilà, c'était la page d'information. J'ai recoupé mes sources, c'est vrai. Oui, c'est bien. Puis si vous voulez la suite, Alex Vizorek est au studio des Champs-Élysées le dimanche et le lundi et il ne fait pas de brève. Et c'est vachement bien. C'est pas vrai. Je voulais aider à ce que les gens viennent. Maintenant, c'est foutu. C'est votre problème. Les gens adorent mes brèves. Nicolas Fargue est en notre compagnie. Il publie Au pays du petit chez POL. Et on va parler avec vous du premier sujet qu'on va raccrocher facilement à votre livre, vous allez voir. Premier sujet, c'est aujourd'hui que se joue la réforme des retraites complémentaires. Les Français les plus modestes sont épargnés, mais les salariés du privé vont devoir travailler 1 an de plus, jusqu'à 63 ans, s'ils veulent toucher ce complément qui représente 1/4 de leur pension. Les retraites, ce sujet passionnel qui soulève tellement le cliché français. Aujourd'hui, c'est le moment pour vous de nous quitter pour prendre une retraite amplement méritée. Vous ne le savez peut-être pas, Serge, et vous ne l'aurez certainement pas dit eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est ? Pour leur pudeur, mais ce sont vos collègues qui ont eu l'idée originale d'organiser ce petit pot d'adieu. Surprise. Preuve que ce sont surtout des collègues, mais plutôt des amis. Travailler, oui, mais travailler entre copains, c'est beaucoup mieux. Croyez-moi, la fête commence. Travailler entre copains, c'est beaucoup mieux. C'est un extrait de Mammouth et d'un petit pot de départ pour la retraite. Voilà. Alors les retraites, c'est un sujet de préoccupation terrible pour le français. Pour ça, moi j'ai beaucoup de peine pour les Français qui meurent avant la retraite parce qu'ils y pensent tellement toute leur vie. Se rendent compte que l'AMC juste avant, c'est horrible. Alors, mais dès qu'il s'agit en plus donc, de retraite et en plus de réformer, oh là là là là, qu'est-ce qu'on n'a pas dit là ? Est-ce que là, c'est pas toute la splendeur du cliché français qui ressort ? C'est pas le genre de sujet dont on peut s'emparer votre héros. Mais justement, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'on ne se rend même... Il faut d'autres gens pour nous le dire, ça. Parce que sinon, on ne se rend pas compte, c'est dans notre culture. Le CDI, la retraite, c'est des choses qui rendent fous les gens. Vous avez des gens... Moi, je ne connais pas d'autres pays dans le monde où, à 25 ans, on vous parle de points retraite, déjà. C'est Est-ce que c'est un discours quand même de droite un peu au CDI? Non, non, je pose la question. Franchement, l'histoire de droite-gauche, on peut me traiter de libéral, de facho, de tout ce qu'on... Je m'en fous. Moi, je pense vraiment, je vous parlais tout à l'heure de migrants, moi, ça me pose pas de problème que notre pays accueille des migrants. Je trouve ça normal et pas normal qu'on soit le dernier à en accueillir. En revanche, cette histoire de retraite, je sais pas, en Belgique, c'est à quel âge la retraite qu'on la prend? Bonne question. Bonne question. Nous, c'est 62 ici, c'est ça? Ouais, ça doit c'est être. Un peu plus tard, je pense que c'est 65. Ouais. Ah ouais? Je sais quoi, j'ai vérifié. Comment se fait-il dans un pays où les gens réclament de travailler plus en disant qu'avec les progrès de la médecine, tout ce qu'on veut, on se sent encore en pleine possession de ses moyens à 62 ans et qu'on nous l'empêche de le faire parce qu'il y a des gens qui disent vous avez tellement bossé, il faut maintenant profiter de la vie. Le français aime le loisir, hein, il faut quand même le dire, c'est notre culture, ouais, le loisir, le week-end. Les RTT. Le petit week-end. Les grosses RTT. Mais ça, c'est. On s'adresse là à un public français, France Inter, en grande majorité. Mais pour nous, c'est normal, mais c'est pas normal. Mais on peut aussi, si vous me permettez juste d'être un petit peu en contradiction, mais sympathique, ouais. Hein, on peut aussi imaginer qu'une société qui génère du profit, enfin une société très très riche, pourrait tenter de redistribuer des richesses afin de permettre aux gens de ne pas travailler toute leur vie et profiter assez tôt de l'argent finalement que des grands groupes et des milliardaires qui se foutent totalement de la vie des gens et du bonheur de chacun. Voilà, on peut aussi imaginer un modèle de société différent et je pense que le discours de ceux qui sont assez, ceux dont vous parlez, d'ailleurs je suis assez d'accord avec vous sur le fond, hein, c'est aussi ça, c'est aussi des gens qui se disent pourquoi lui il gagne 10 milliards avec des parachutes dorés et pourquoi moi je dois partir à la retraite à 65 ans alors que je bosse comme un con depuis des années. Voilà. Il y a aussi ça, il n'y a pas que. Il y a aussi plein de gens qui ont envie de travailler plus. Mais moi le premier. Tout simplement, il y a un système qui ne permet pas ça aussi. Et votre héros, hein, Romain Reussen, qui est sociologue dans le livre, a dit le français est un pré-retraité qui compte ses points de retraite pour être sûr jusqu'au bout de ne manquer de rien. Moi j'aime bien parce que c'est radical et au moins vachement ça. Oui, alors je sais pas comment on fait pour compter ses points retraite quand on est écrivain. C'est un petit peu plus compliqué, on en parlera notamment avec le troisième sujet. 65 ans en Belgique et d'ici 2030, 67 ans. Voilà, alors que vous êtes frontalier, vous avez 5 ans de plus. Vous venez travailler chez nous. Mais c'est important que les gens sachent que ce n'est pas le impossible d'être différent. Bien sûr. Tout simplement. Et la différence, elle n'est pas loin de chez nous. Samir Bouadi, bah oui. Puisque vous aviez le crachoir, vous avez débattu avec Nicolas Fagg. Bah oui, c'est passionnant. Montrez-nous votre art, votre Guillaume plume. Guillaume n'est pas là, vous vous sacrifiez. Bah oui, je le sacrifie. Oui, bah, j'ai fait mon Guillaume. Non, bah, donc voilà, on va parler un peu de marathon parce que ce dimanche 1er novembre va se courir le célèbre marathon de New York, mes amis. Donc c'est l'occasion ici de parler de corps en mouvement, de course à pied, de cette folie qui consiste à taper plus de 42 bornes de bitume à un rythme de bagnole. Hein. Alors le marathon, rappelons-le moderne, a été créé à l'occasion des Jeux Olympiques d'Athènes en 1896. L'idée au départ, c'était de commémorer la mémoire du messager grec Philippe. On est sur France Inter, qui aurait, selon la légende, parcouru la distance de marathon à Athènes pour annoncer la victoire contre les Perses en 490 avant Jésus-Christ. Voilà, je l'ai dit. Alors, on voit ici que courir à l'époque, c'est pas dans l'idée première le simple fait de tenter un record. Là, on est dans une urgence. Là, on va vers un point précis. On doit annoncer une bonne nouvelle. On doit renseigner. On n'est pas non plus dans l'entretien du corps, dans l'hygiène. Ce qui me fait dire que la nécessité d'hier fait la pratique ludique d'aujourd'hui. Ce qui, jadis, était une épreuve, fait office de nos jours de discipline. Hier, les hommes porter des charges et devenir forts. Aujourd'hui, ils sont forts parce qu'ils portent des charges. Voilà, c'est aussi con que ça. Cette nuance nous renvoie à l'évolution de toute société, finalement. Hein. Alors, sans parler de situationnisme ou de société des spectacles, on peut légitimer certaines positions de Guy Debord en faisant ce constat. Bon, bah, comme je vois bien que je deviens chiant avec ma chronique totalement pompeuse et faussement profonde, bah, je vais essayer de vous faire rire maintenant en vous parlant de Nicolas Sarkozy, hein, et de son rapport à la course, au corps. Vous savez comment vous toucher. Eh hein. Oui. Eh bien, son rapport au mouvement, à ce footing présidentiel. C'est beau. Quelle personne n'a échappé durant de longues années. Alors, le footing est au marathon, ce que Luc Besson est à Cazavette, hein, ce que Guillaume Musso est à Mishima, ce que Dracula était au couple Ceausescu. Un ersatz, finalement. Ceci étant posé, on comprend que l'acte présidentiel de se déplacer à petite foulée, à très petite foulée, les genoux un peu en dedans, est une gentille blague. Elle peut néanmoins s'apparenter à une démonstration de déni du principe d'immobilisme qui serait censé définir le monarque, le chef qui de toute éternité a toujours figuré assis. L'homme politique moderne de Nicolas Sarkozy-Obama, qui se pique de mettre en scène son corps, offre une version érotique du dirigeant, du chef, du roi donc, qui ne serait plus fainéant, mais au contraire actif, viril, jeune et toujours capable d'érection sérieuse. Dans le même temps, la pratique du sport, mes amis, renvoie aussi au travail physique, donc manuel. Le chef se mue en défenseur des classes laborieuses. Mais heureusement, la classe politique propose un autre produit plus cérébral, celui-ci, Churchill. Churchill en est le chef de file, hein, cette catégorie de l'élite qui revendique une certaine défiance à l'égard, non pas du corps, mais de l'entretien de celui-ci. pas le sport. Son célèbre « boire et fumer » et « ne jamais faire de sport » est dans toute la mémoire. Le flegme britannique est ici définitivement proposé en une contre-culture, en une presque provocation. Le président Hollande à Vendeuvre des Nancy qui boit la tasse de café chez Madame Tout-le-Monde nous rappelle qu'il est assis. La cervelle rieuse remplace le corps. Churchill. Monsieur Sarkozy qui court jusqu'en Russie tailler le bout de gras avec le très musclé Poutine nous redit qu'il est corps et courage. Poutine. Eh, bah oui, c'est comme ça. Ce week-end, on pourra donc relire Le Lièvre et la Tortue, ou bien s'intéresser au marathon de New York, voir les Kenyans dimanche voler, se mêlent devant, toujours devant, en une ultime danse pas macabre, un jour de Toussaint, au lendemain du jour des morts. L'Occident triomphant à grande enjambée, foule du pied les principes de partage, mais c'est ainsi que va notre joli monde. Et finalement, qui s'en offusque? Nos dirigeants, hein, s'y entendent plus en footing et en pause café qu'en marathon. Dommage. Dommage parce que tout ici n'est que long terme dans cette course contre la mort. Quant à Churchill, mes amis, il n'a jamais réussi à perdre le moindre kilo, mais il a gagné une guerre. À chacun son régime. Samir Bouadi, merci. Alors, Sarko viril, quand il court comme une femme qu'on vient d'exciser. Quand même. Musique. Je l'ai énervé. Allez, on est en compagnie de Nicolas Fargue jusqu'à 18h. Il publie Au pays du petit chez POL. On en parle avec Isabelle Sorand tout à l'heure. Seems every time I'm playing, I'm winning. I know it's not only me. And when I'm running, these words keep coming, and all is as it should be. It's such a funny feeling, knowing I'm not hoping. I'm taking everything I see, and I can handle what you're dealing. Keep feeling, I'm living through you for me. So. Who do you want me to love? Tell me who you want me to love. How come I? Kelly Lee Evans, Hands Up sur France Inter, où nous sommes en compagnie de Nicolas Fargue, ainsi que de trois petits points. Du toute belle équipe, Samir Bouadi qui a déjà bossé, Isabelle Sorrent qui va bosser le livre de notre invité, et Thomas VDB qui est en passe de bosser. Oui, alors est-ce que vous voulez gagner des points retraite en faisant une petite chronique, Thomas VDB? Ah, moi je ne viens que pour ça. Tous les vendredis, allez, je viens, je rentre chez moi ce soir, je compte les petits bâtons. Allez, une nouvelle chronique de fête. Montrez tout votre art à nos auditeurs et à notre invité. Je pensais qu'on allait parler d'un autre sujet, je suis complètement à côté. Effectivement, alors les auditeurs ont eu l'occasion de s'en rendre compte, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de chronique actualisique aujourd'hui, donc pas de mélange d'actualité et de musique. Exceptionnellement, une page aujourd'hui qui mélange musique et cinéma, c'est la page Musinéma. Voilà. Mais Musinéma, ça change de l'actu à musique, c'est Musinéma. C'est le jingle. Hein, c'était le jingle, bien évidemment. Vous savez qu'il y a des versions sans parole. Vous n'êtes pas obligé de manger des earless. Ouais, mais je pense que c'est plus rigolo. Quand on mange, c'est vrai. Des earless. Alors, pour ceux qui nous écoutent depuis Lyon, il est peut-être temps encore d'aller. Pour les autres, on s'en fout. Non, pour ceux de Lyon, il est temps d'aller encore prendre ses places pour aller assister ce soir ou demain soir au ciné-concert de Nemo. Qui aura lieu à l'auditorium, parce que vous connaissez, je pense, tous Nemo, le dessin animé. Je vous donne une addition toute bête à faire. Nemo au ciné plus grand orchestre en concert égale ciné plus concert. C'est ciné-concert, évidemment. C'est ciné-concert. Ah, la réponse était ciné-concert. C'est le ciné-concert de Nemo. Alors, il faut savoir, les ciné-concerts, ça a commencé à se refaire il y a une vingtaine d'années, essentiellement avec des vieux films muets. Enfin, ça avait commencé à se faire déjà au tout début du cinéma, mais c'est pas avec des vieux films muets à l'époque, c'était tout simplement avec des films. Les films étaient projetés dans des salles, et pendant ce temps-là, il y a un orchestre dans la salle de cinéma qui arrive et qui accompagne le film en musique. Hein, le film commence, et puis là, il y a un musicien. What is love, baby? Bon, c'est pas moi, je pense qu'ils choisissent des morceaux un petit peu plus appropriés, mais voilà, c'est ça, c'est comme ça globalement que se passe le ciné-concert. Et donc, voilà, au début, ils se disaient, on va le faire avec des films muets, c'est pas mal, comme ça, ça permet de, voilà. Et à un moment, ils se sont dit, on a qu'à le faire avec des films parlants maintenant. Allez, on y va, Nemo. Il y en a un qui a dit oui, mais si on le fait pendant avec les films parlants, on va plus comprendre les dialogues. Il a dit oui, c'est pas grave, on jouera moins fort, je pense. Voilà, en fait, c'était pas. Et donc en janvier, il y a même Pirates des Caraïbes qui est prévu sur un grand écran avec un orchestre qui joue pendant ce temps-là. Voilà. Vous faites une belle promo à l'événement, en tout cas. C'est vrai, il faut savoir que je touche de l'argent de Universal. Alors en même temps, faut reconnaître que les ciné-concerts, c'est bien quand on n'a pas les moyens d'aller assister aux concerts des compositeurs de musique de film, qui en général sont très onéreux, c'est à la mode depuis quelques années, c'est des compositeurs de musique de film, ils tentent carrément avec des grands orchestres pour jouer les grands airs. Par exemple, John Williams, il joue toute la musique de Star Wars. Je veux dire, si vous voulez y aller, déjà dépêchez-vous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, et puis surtout, apprêtez-vous à casser votre PEL, parce qu'effectivement, c'est quand même assez onéreux, la performance. Ennio Morricone, aujourd'hui, tourne dans le monde entier avec son orchestre, c'est pareil. Cet été, les vacances, c'est les vacances ou le concert d'Ennio Morricone, c'est pas les deux. Et donc il y a un truc pénible quand même quand vous allez voir Ennio Morricone, c'est que je suis allé le voir à Bercy, c'est super. Mais par contre, à chaque fois qu'il commence à jouer un air connu, on dirait que le public fait un blind test. Le violoniste, il commence à jouer. Et là, t'as tout Bercy qui est là. Oh, c'est le film avec Belmondo! C'est le film avec Belmondo! C'est les Morphalou! Non, c'est le professionnel! Et tout Bercy pendant. C'est le professionnel! C'est la musique du professionnel avec Belmondo! Et donc, déjà, tu regardes, donc déjà, ça te donne les images du film qui défilent en tête. Limite, ça te donne envie de regarder le film. Ou même à la rigueur, des images d'un berger allemand qui court au ralenti dans un champ vers une boîte de pales, ou de Frolic, je sais plus. Le Royal Canin, pardon. Mais non, parce que tu es finalement rien tout ça, parce que tu regardes pas le film, tu es assis en train de regarder un violoniste à 150 mètres dans le palais Omnisport de Paris-Bercy. Et là, il commence à jouer, évidemment, le bon, la brute et le truand, et tout le monde est là. C'est le bon, la brute et le truand! Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est la vraie raison pour laquelle tu es venu au concert d'Ennio Morricone, c'est que tu vas enfin voir la tête du gars qui fait ça valait peut-être le coup de payer 120 €. Alors récemment j'ai vu que Eric Serra fait toutes les musiques que les gars faisaient, les musiques de films d'Eric Besson. Il fait une tournée en ce moment et j'ai pas vu en concert, mais j'ai vu des images sur internet. Le gars joue la musique du Grand Bleu sur scène, c'est à dire qu'on va voir le gars, il joue avec son groupe Bon, je fais assez mal la musique du Grand Bleu a cappella. Mais... Non, non. Et les gens regardent ça, les gens regardent la musique du Grand Bleu et sont là, mais comment on va réagir à la fin? Parce qu'évidemment, ça c'est le problème, c'est que j'ai découvert ça, j'étais assez étonné, c'est qu'à la fin d'un concert d'Eric Serra, le mec qui a fait la musique du Grand Bleu, les gens n'applaudissent pas, à la fin ils font... Et ça m'a un petit peu étonné. Voilà, en tout cas, eh bien, le ciné-concert de Nemo, c'est ce soir et demain à Lyon à l'Auditorium. Merci Thomas VDB qui donne une raison à la radio d'être filmé. Vous allez voir sur franceinter.fr. Nous sommes en compagnie de Nicolas Fargue qui publie Au Pays du Petit aux éditions POL. Et on va aborder avec vous le deuxième sujet, le projet d'une chaîne publique d'infos en continu qui prend forme autour de France Télévisions, Radio France et France 24. Car toute l'info en continu appartient au privé. À quelques encablures de 2017, le gouvernement pousse le projet. Ça doit aller vite, c'est de l'info en continu. Il s'agirait donc d'un événement dans le Pacifique, mais pour l'instant, je ne dispose d'aucun élément d'information et encore moins de bilan. Il devait de toute façon arriver quelque chose dans cette zone qui était calme depuis un certain temps. On ignore encore la nature même de cet événement. Ce qui est sûr, c'est que cet événement s'est produit. Les détails de l'incident, nous ne les saurons qu'après coup, comme toujours, avec l'information. Oui, donc il pourrait y avoir un certain nombre de conséquences à l'étranger, mais aussi localement. Il faut m'aider, là. Voilà, Chris Esquer dans Importantissime sur Canal+. Alors, pour l'instant, toutes les chaînes d'infos en continu, excepté France 24, bien sûr, mais qui s'adressent plus à l'international, elles appartiennent à des grands groupes, c'est-à-dire que BFM TV appartient à Alain Veil, LCI appartient à Bouygues, iTélé appartient à Bolloré. Alors, Nicolas Fargue, ou peut-être votre personnage, le sociologue, qu'est-ce qu'il pense de ça? Est-ce que il faut une chaîne de service public, du coup, pour contrebalancer tout ça? Ou alors, ça va encore alimenter le flot des chaînes en continu? Est-ce que vous les regardez un petit peu, vous? Je peux laisser passer un blanc, là. Comment voulez-vous que je réponde à une question? Vous n'êtes pas obligé. Je n'ai pas obligé. Quand il s'agit de faire bosser les gens jusqu'à 80 ans, il y a ça ne vous manque pas une chaîne d'infos en continu qui soit publique? J'ai jamais eu la télé de ma vie. Ah, c'est vrai? Jamais. J'ai travaillé à la télé, j'ai travaillé pendant 2 ans à France 2. Oui, vous avez fait des bandes annonces. Je faisais des bandes annonces à France 2. Mais je n'ai jamais eu la télé depuis mon enfance. Je n'ai pas la télé. C'est vrai que c'est un milieu que vous n'aimez pas beaucoup. Vous en avez fait un bouquin, d'ailleurs. Non, c'est un milieu qui me fascinait, alors de façon plus ou moins ambiguë, parce qu'on est, on peut être fasciné aussi par un milieu qui parfois respire un peu le toc, mais c'est fascinant parce que vous voyez les célébrités qui passent comme ça. Alors plus petit et plus fatigué, vous nous écriviez. Oui, merci, ouais. C'est ça. Non, mais ça me faisait rire parce que j'allais sur les tournages des missions, alors vous voyez les animateurs qui se mettent à vivre et à devenir l'ami du peuple, de tout le monde, quand il y a les projecteurs, et puis en backstage qui sont insupportables, donc ça c'est drôle. Pas sur le service public. Mais sinon, non, écoutez, pour être un piètre consommateur de télévision, je réserverai là-dessus mon... Mais j'aime la radio, je dis pas ça parce que je suis à France Inter, mais j'aime profondément la radio, je trouve... Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'on s'exprime plus. On s'exprime plus qu'à la télé. Il y a, je sais pas, l'image nous bloque, l'image nous... Alors une chaîne... Moi, à chaque fois que je regarde ces chaînes d'information continue, j'ai l'impression qu'on a ouvert un robinet d'eau tiède, là, et puis que ça s'arrête pas. Quoi. Je comprends rien. Je préfère la radio. D'ailleurs, votre personnage est invité d'ailleurs chez Marc Voinchet sur France Culture, qui est maintenant devenu le directeur de France Musique. Hein, mais il y a tout un passage où vous expliquez d'ailleurs que les chroniqueurs travaillent sérieusement leurs chroniques dans leur bureau feutré, hein, avec beaucoup d'abnégation. On voit que vous n'êtes pas passé chez nous. Voilà. Mais maintenant, ça y est, vous y êtes, Nicolas Fargue. Tiens, on reste entre écrivains avec votre consoeur Isabelle Sorrente. Alors, ça y est, je vais donc commencer la chronique. Oui, ça veut dire que c'est à vous. Hein. Quelle vigilance! Alors, Nicolas Fargue, vous nous livrez donc la balade désabusée d'un sociologue qui épingle les défauts de ses compatriotes, c'est-à-dire nous, les Français. Donc, entre autres, l'arrogance, la lâcheté, la paresse des Français, leur oh là là, leur manque d'enthousiasme et leur manque d'humour. Alors, votre héros quadragénaire, Romain Ruissin, a du charme et beaucoup de chance. Ah, vous dites Ruissin, vous? Moi, je dis Ruissin, vous avez dit Ruissin. Ouais, on dit Ruissin. Et qu'est-ce qu'il faut dire, Nicolas? Ben, pour moi, c'est Ruissin. Ruissin, alors d'accord. Vous l'avez pêché où, ce nom? Alors, non, alors, juste une petite parenthèse. Oui. En fait, c'est une famille de médecins de famille, si je puis dire, qui ne savent même pas que leur nom a été utilisé pour ce livre. Un livre, enfin, moi, dans mon cas, pour chercher des noms, ça peut être péché vraiment n'importe où. Et là, c'est vraiment un nom que j'entends depuis l'enfance. Il y a des origines. Et j'entends belles. Toujours Ruissen. Ruissen. Ouais. Donc, Romain Ruissen, il a du charme et beaucoup de chance puisqu'il va voyager partout pour assurer la promo de son bouquin qui s'appelle Le pays du petit, donc qui donne le titre au roman. Et il voyage de Moscou à Iowa City et sur sa route, il croise de jolies femmes qui ne sont pas françaises. Une Slovaque, une Afro-Américaine qui vont le distraire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire de sa vie conjugale très française avec une compagne qui comprend trop et qui pardonne tout. Alors, au-delà de la critique de la France qui lui sert de trame, j'ai lu votre roman comme un tour du monde littéraire. Alors, la nostalgie de la jeunesse et la peur du vieillissement vous inspirent de très belles pages qui m'ont rappelé la Pologne et le Japon. La Pologne, je dirais que c'est celle de Witold Gombrowicz dans la pornographie et le Japon, bien sûr, celui de Mishima dans Le soleil et l'acier, puisque votre narrateur le sait trop bien, l'âge où tout est possible, c'est 26-28 ans, dit-il. Au-delà, les choses se gâtent. On assiste à la lente dégradation du visage et aux nuits blanches qui marquent les paupières. Charline, c'est ce qui va nous arriver à Brive quand on ira faire la bringue la semaine prochaine. Vous êtes sans pitié avec votre narrateur, Nicolas Fargue, comme avec ses conquêtes féminines, rien ne vous échappe. Ni le fond de teint bon marché, ni les manœuvres de séduction trop simples des jeunes femmes aux cheveux trop propres. Donc chez Gombrowicz, la naïveté de la jeunesse cache une cruauté sans limite. Chez vous, les jeunes filles n'écrasent pas des vers de terre sous leurs talons, ça c'est dans la pornographie. Elles sont naïves et par conséquent, le séducteur porte comme une croix, hein, dans la plus grande solitude, sa faculté de domination psychologique. Nous ne sommes pas au Japon, personne ne se suicide et votre héros entretient avec sa compagne Caridad, Charité l'a bien nommée, une relation désabusée qui pourrait faire penser s'il avait eu lieu au mariage de Dona Elvire et de Don Juan. Alors, au cœur du livre, il y a bien sûr cette critique sans pitié de la France qui, moi, m'a amené directement en Autriche. L'Autriche de Thomas Bernhard et d'Elfriede Jelinek. Elfriede Jelinek, dans Les Amantes, où on pleurait de rire, hein, c'était un de ses premiers bouquins. Et il y a un humour décapant dans votre livre que j'ai adoré. J'ai adoré une scène, j'en parlais tout à l'heure dans le bureau, qui est une scène de fête de fin d'année en Indonésie, où tous les expats ont un peu organisé quelque chose d'un peu bon enfant, on va dire, sur scène. Les Australiens se déguisent en ornithorynque, je crois. Enfin, tout le monde met un peu du sien. Et les Français n'ont rien fait. Le gars arrive au dernier moment. Il a photocopié des chansons à boire. Et il y a un mec qui se moque en plus des autres qui ont fait quelque chose en oui, disant... Oui, trouve ça niais. Ouais, c'est niais. Et en plus, moi, j'avais du boulot. C'est pas comme ces gros nasses sur scène. Et ça, j'avoue que j'ai trouvé que c'était un trait vraiment bien vu, comme plein d'autres, d'ailleurs, dans le roman. Alors, cela dit, c'est pas l'Autriche, hein, c'est pas le château de Wolfsweg. Le narrateur ne va pas mourir d'une crise cardiaque à la fin. On est plutôt dans l'autodérision, jusque dans les scènes de sexe qui sont très teintées d'un humour à la Bukowski. Et malgré tout ce panel, on va dire, de littérature autour du monde, vous allez me voir venir, mais je crois qu'il y a quelque chose de profondément français dans votre livre, hein, qui est ce rapport très classique à la cruauté et à la séduction. C'est-à-dire que votre narrateur est un héritier direct de Laclos et de Marivaux. À se demander si votre regard cruel sur la France ne serait pas, au fond, celui d'un homme du XVIIIe siècle qui se serait égaré par erreur au XXIe. C'est vrai qu'elle dit des choses vraiment, vraiment intelligentes. Ah, dis pas de conneries alors. Non, je me sens extrêmement flatté par tous ces rapprochements, Gombrowicz, Thomas Bernhard, Laclos. Enfin, c'est trop pour moi, je dirais. Mais c'est vrai. Alors, une chose est évidente. Thomas Bernhard, oui, c'est quelqu'un qui m'a énormément influencé. Ça a fait partie de mes lectures qui m'ont amené à écrire lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de tradition chez les auteurs autrichiens. Chez Thomas Bernhard tout particulièrement, de détestation de leur pays, mais de détestation absolue, jusque dans la mauvaise foi, hein, ouverte. Alors, toute proportion gardée, parce que je ne suis pas Thomas Bernhard, malheureusement, mais... Vous aimez l'Autriche. J'adore l'Autriche. J'adore l'Autriche. Mais il y a, à l'évidence, une filiation assumée là-dessus, de volonté d'y aller jusqu'au bout. Pardon, oui. Oui, je vous en prie. Non, non. Oui, pour ce qui est du Marivaux, enfin de Marivaux et de Laclos. Alors, oui. Alors, même si je suis un mauvais lecteur, c'est-à-dire je n'ai pas. Alors, j'ai une culture un peu scolaire par rapport à tous ces auteurs-là. Je ne les ai pas forcément relus après. Mais je pense que oui, tout ça fait partie de ma mémoire inconsciente qui me nourrit aujourd'hui quand j'écris et qui font de moi un auteur français. Et l'amour est toujours au centre de vos écrits, Nicolas Fargue. On va toujours parler de littérature avec vous, Isabelle Serente, Nicolas Fargue. Troisième sujet, l'écrivain français n'est pas cet individu finalement romantique retiré dans sa tour d'ivoire, non. 95% des auteurs exercent un boulot à côté. Vous, Nicolas Fargue, vous faites partie sans doute des 5% d'écrivains qui parviennent à vivre de leurs droits d'auteur. Alors, je vais être très clair sur l'affaire. J'ai vécu pendant 6 ans de ma vie de mes droits d'auteur. Ah parce oui, que j'avais après, créé un bouquin qui s'était très très bien vendu et qui m'a permis de vivre tranquillement, plutôt bien. Et ensuite, là, je suis obligé de bosser. Ah, bah écoutez, on va en parler justement. Voilà. Attendez, on va en parler parce que. Même vous parlez d'argent sur ces choses-là. C'est très. On n'en parle jamais en France. On n'a même pas parlé d'argent en France. Alors, on va y aller. Je vais juste vous faire écouter peut-être une scène que vous avez peut-être vécue au tout début. Et que moi je... Toi tu quoi toi? Toi tu fous rien, t'as jamais rien foutu de ta vie. Moi? Tu crois que tu fais quoi toi avec tes histoires d'amour à la con? Tu fais rêver les minettes dans les RER qui lisent leurs petites bullettes là. Ils s'embrassèrent dans le coucher du soleil. N'importe quoi. Tu veux que je te dise un truc Xavier? Ce que tu fais c'est naze. Tout ce que t'écris depuis 2 ans c'est naze. Et si je te dis ça, hein, c'est parce que moi je sais que tu vaux mieux que ça. Attends, moi... Mais toi t'es un parasite. Je suis quoi moi? Toi t'es un parasite. T'es tranquille dans ton hamac à raconter tes petites histoires d'amour à la con et c'est très bien comme ça, quoi. Eh ben, ne change rien, surtout, hein. Ça a l'air de satisfaire. Audrey Tautou et Romain Duris dans Les poupées russes, où elle n'a pas l'air de comprendre comment ils vivent ça, de l'écriture. Donc vous disiez, Nicolas Fargue, vous avez vécu pendant 6 ans les droits d'auteur, mais maintenant vous êtes obligé de travailler. Que faites-vous aujourd'hui? Et c'est pas obligé, je trouve ça très bien. Il y a d'ailleurs quelque chose de très français chez les auteurs, lorsqu'on les fréquente un petit peu. Il y a une espèce de... on revendique un dû en tant qu'auteur. Voilà. L'État doit nous donner quelque chose. Ça, c'est extrêmement français. L'écriture, c'est quelque chose... C'est une chance. C'est une chance immense d'être publié chez un éditeur qui a pignon sur rue. C'est quelque chose qui est un bonus dans une vie. Mmh. Eh ben non, il y a des gens chez qui ça ne suffit pas. Il faut qu'ils soient... Alors, c'est très bien d'être reconnu en tant que tel, d'être reconnu écrivain, mais qui seraient presque capables d'aller manifester. On veut des droits d'auteur plus machin. On veut manifester, ça, vous savez faire. Ben, ça, on sait bien faire. Alors, un peu moins qu'avant, il paraît. Ouais. J'ai vu que les Français n'étaient plus premiers en manif et en antidépresseurs. C'est nouveau. Bon, vous allez nous voir les chiffres. Vous trouvez ça intéressant parce que les chiffres. Ouais, oui. Ouais. Alors, il y a énormément d'auteurs qui essaient de contracter des avaloirs auprès d'éditeurs pour des livres qu'ils n'ont pas encore écrits. Il y en a beaucoup qui vivent comme ça sur des livres hypothéqués. Et ça va jusqu'à 2 millions d'euros pour les plus fameux. Ah oui, alors ça c'est vraiment écrit très fameux. Ouais. Moi, je fais partie. Moi, j'ai la chance d'être chez un éditeur qui ne donne pas d'avaloir et qui fonctionne sur des contrats standards. 10%. 10% du mon dernier livre coûte 16 euros. Sur chaque vente de mes livres, je touche 1,6 €. Okay, à partir de 10 000 exemplaires, je toucherai 11%. À partir de 20 000 exemplaires vendus, 12%. Et 13% à partir de 30 000. Vous vendez en moyenne, vous? Là, alors, en ce moment, je peux vous dire, j'ai vendu 12 641 livres, alors qu'il n'y a pas loin. Là, vous êtes passé chez nous, ça alors, va être des... Alors, avec 12 141 livres, je ne peux pas vivre de mes droits d'auteur. Sauf si, après cette émission, il y a 30 000 personnes qui se précipitent à acheter mon bouquin. Sûr, là, si 30 000 personnes achètent, je toucherai 50 000 balles sur lesquelles je pourrais vivre vraiment là, pendant un petit moment. Et il m'est arrivé dans ma vie une fois de gagner beaucoup d'argent avec un livre. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'un Goncourt, c'est si convoité. Votre vie change. On comprend mieux là, c'est décrocher la timbale. Isabelle Serente. Oui, moi ce que je voulais juste dire, c'est qu'aussi l'équilibre entre, je dirais, le côté écriture, le côté contemplatif et l'équilibre entre l'action, c'est un équilibre qui n'est pas seulement financier, parce qu'on parle du revenu qui est un problème, mais qui est un problème aussi pour beaucoup d'autres métiers, pour beaucoup d'autres activités. Et même les écrivains qui en vivent ou qui en vivent très bien, il y a le problème de savoir combien de temps on passe, je dirais, retiré du monde. Il y a une double vie de toute façon, qui est celle du roman et celle de l'action. C'est d'ailleurs tout l'objet d'un article très intéressant dans Aime le Monde, c'est comme ça qu'on a choisi le sujet. Rapidement, Nicolas Fabre, vous faites quoi aujourd'hui en plus comme boulot alors? Alors je suis animateur culturel à l'étranger, c'est-à-dire j'organise des concerts, des expos, des conférences dans les alliances françaises et les instituts français. Ce qui nourrit évidemment vos écrits. Ouais. On va vous proposer quelqu'un que vous allez faire tourner dans toutes les alliances françaises. Il est derrière vous, il est au taquet. C'est notre chanteur du vendredi, c'est Frédéric Fromet, bonjour. Bonjour. De quoi on va parler? Je voudrais aborder un sujet qui vous concerne tous autour de cette table. La drogue. Allez, c'est la fête, c'est parti pour un trip en République dominicaine. La case qu'on a serrée au fond de cette soute, c'est de la cocaïne, c'est de la cocaïne. Qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette soute, c'est de la cocaïne, c'est la fête, tout le monde se shoot. Allez, tout le monde à poil. Non, je déconne. On a compté 26 valises, valises, pour un seul passager. Tout tranquille, tranquille. Et par Punta Cana, direction Saint-Tropez. On n'imaginait pas un commerce suspect. Pour notre défense, Nadine va-t-elle s'y prendre comme un manche, en déclarant que la France est un pays de poudre blanche. Ah, qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette soute, c'est de la cocaïne, c'est de la cocaïne. Ah, qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette soute, c'est de la cocaïne, pour que Choprade se shoote. Mais qui est cet Emmerich Choprade, Choprade, un drôle de loustique, un type du Front National qu'on imagine infect avec les gens des UP et qui soutient des mecs dans une affaire de stup. Faut-il en déduire qu'au FN on aime se faire des lignes, que le vrai nom du parti c'est le Rassemblement Bleu Narine. Je suis vache, hein, pour une fois qu'un type du FN soutient des réfugiés. Ah, qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette soute, c'est de la cocaïne, c'est de la cocaïne. Ah, qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette soute, c'est moins cancérogène que le pâté en croûte. La petite valise de schnouf qui voulait rejoindre la Côte d'Azur, c'est trop une histoire de ouf. On savait pas, on vous le jure, et on fait tourner les mallettes. C'est génial, on se croira au mariage de ma cousine. Bien sûr, c'est une chanson facile, facile. C'est même complètement débile, débile. C'est pas fait pour penser, c'est fait pour être festif. C'est fait pour décoller, sans mettre plein le pif. 700 kilos de cocaïne, vraiment c'est bien le moins. Dans chaque narine pour chanter du Patrick Sébastien. Ah, qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette soute, c'est la cocaïne, c'est de la cocaïne. Ah, qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette soute, c'est de la cocaïne, c'est la fête, tout le monde se shoot. Merci. C'était Frédéric Promet. Featuring Patrick Sébastien. Vous voyez l'actualité avec du recul, contrairement à l'info en continu et la dérision de Frédéric Promet. Eh oui. Peut-être prochainement dans les alliances françaises, grâce à Nicolas Farr, on ne sait pas. Ça peut faire un tabac, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Oui, ça donnera une excellente image de la France. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup Nicolas Farr d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle votre livre « Au pays du petit ». Pays du petit, c'est le petit café, le petit vin rouge, le petit week-end, c'est la France, c'est la France, monsieur. Week-end qui est là. Édition POL, merci beaucoup, merci à Samir Boidi, à Thomas VDB, merci à Alex Bizorek, et bien sûr merci à Isabelle Sorante. Oui. Et puis nous, on se retrouve, et merci à Frédéric Fromet, évidemment, qui rassemble dans ce studio et dans cette régie un monde de feu. Il y a une hola qui s'est déchaînée. Jamais autant de monde. On se retrouve lundi avec Jean-Yves Lafesse. Je laisse le mot de la fin, tiens, en guise de transition avec Nicolas Demorand, ça vous va? Oui. Ici Vincennes, c'était un reportage de Gilbert Lariaga et les commentaires de Zitrone. À vous, Roger Lanzac.